Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, alors on va parler pesticides à nouveau, parce que là, ça devient extrêmement inquiétant. Je crois qu'il y a pire que les glyphosates aujourd'hui, c'est des fongicides SDHI. Et les scientifiques n'hésitent pas à dire, c'est Pierre Rustin exactement, c'est des propos recueillis par Coralie Chaube, qu'on ne peut pas se permettre, comme l'ANSES qui est l'organisme officiel qui doit nous préserver sa qualité nutritionnelle, enfin sur la qualité des produits, donc on ne peut pas se permettre, comme l'ANSES, d'attendre la catastrophe. Une étude prouvant la toxicité pour l'homme de ces pesticides massivement utilisés sur les cultures a été publiée jeudi. Il s'agit bien des SDHI. Pour Pierre Rustin, l'un de ses auteurs, l'agence de sécurité sanitaire aurait dû les interdire. Donc c'est des propos recueillis par Coralie Chaube, donc de Libération. C'est désormais gravé dans le marbre d'une prestigieuse revue scientifique. Les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, j'ai réussi à le dire d'un seul coup, je me suis entraîné, SDHI, sont bel et bien toxiques pour les cellules humaines. Cela n'a rien d'anecdotique, car cette classe de pesticides destinée à lutter contre les champignons et moisissures autorisées en Europe depuis la fin des années 2000 est massivement utilisée sur les cultures blé, avoine, orge, seigle, tournesol, colza, pommier, amandier, cerisier, vigne, asperge, carotte, pomme de terre, fraisier, laitue, etc. Et donc omniprésent dans les assiettes et boissons. Dans cette étude publiée jeudi dans PLOS One, les médecins chercheurs qui avaient lancé l'alerte en avril 2018 dans Libération sur les risques potentiels pour l'homme et l'environnement, persiste et signe. Oui, le SDHI qui bloque la respiration des cellules, des champignons, en inhibant l'activité de l'enzyme SDH, succinate déshydrogénase, bloque aussi celle des cellules du ver de terre, de l'abeille ou de l'être humain. Or, chez ce dernier, un dysfonctionnement, la SDH, est associé à de graves pathologies. Donc, Libération fait état d'un entretien avec l'un des auteurs, dont je viens de citer le nom, Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS. On a bien affaire à un scientifique qui sait ce qu'il dit. Il parle de l'étude. Elle démontre clairement la toxicité des SDHI pour les cellules humaines. Or, cette toxicité cellulaire est le critère permettant d'établir si une molécule doit être considérée comme toxique ou non. Et si c'est le cas, les autorités sanitaires doivent, en théorie, prendre des mesures pour l'interdire. Nous montrons, dit donc Pierre Rustin, nous montrons aussi que les cellules de patients atteints d'Alzheimer ou de maladies mitochondriales liées à un trouble de la chaîne respiratoire des mitochondries, des structures intracellulaires responsables de la production énergétique des cellules, sont hypersensibles au SDHI. Donc cette catégorie de la population est encore plus à risque. Ainsi, les SDHI de la dernière génération qui viennent d'arriver sur le marché ne bloquent pas que l'enzyme SDH, mais aussi d'autres éléments dans les mitochondries, ce qui les rend d'autant plus dangereux et toxiques. Au fil de nos découvertes, c'est toujours ce chercheur qui parle, nous avons transmis ces données en temps réel à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Sanitaire, bien sûr, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Qui aurait dû réagir? Alors, la question est posée à ce chercheur. Qui fabrique ces fongicides et pour quel usage? Eh bien, on retrouve les classiques Bayer, BAFS, Syngenta, toutes les grandes firmes agrochimiques en produisent et se sont positionnées sur ce marché qui a l'air d'être intéressant financièrement. 11 molécules sont autorisées en France à partir desquelles sont fabriqués 152 produits qui contiennent des SDHI. Ils sont utilisés sur toutes les cultures ou presque. On n'a pas besoin d'en mettre d'énormes quantités, car elles sont très résistantes et très toxiques. Les 8 SDHI utilisés en France, que nous avons testés, inhibent tous les SDH, et cela chez les 4 espèces étudiées, bien qu'avec une efficacité variable. L'effet des SDHI n'est pas spécifique à la cible prétendue. Il va au-delà. Il est général. D'ailleurs, les fabricants le savent, puisqu'ils vendent une partie de ces fongicides pour tuer les nématodes, ces vers blancs qui infectent les terrains de football ou de golf. Cette absence de spécificité est théoriquement une raison de retirer une autorisation de mise sur le marché. L'ANSSE aurait dû le prendre en compte immédiatement. Alors la question qui est posée à Pierre Rustin, vous montrez aussi que les conditions de tests réglementaires actuelles de toxicité sont inadaptées. Oui, répond-il. Le glucose présent dans les milieux de culture cellulaire masque totalement un effet délétère très important des SDHI. Ils induisent un stress oxydatif dans les cellules humaines, menant à leur mort. Avec ce type de fongicide, on provoque probablement une catastrophe écologique et sanitaire, car ils tuent tout, pas seulement les champignons. Alors, on pose la question aussi à ce chercheur, quelle pathologie cause un dysfonctionnement de la SDH chez l'homme? L'altération des mitochondries entraîne une kyrielle de maladies, cardiomyopathie, myopathie ou céphalopathie, maladie du cerveau, maladie oculaire, maladie chez les enfants, Parkinson, Alzheimer. Elles peuvent apparaître à tout âge, affecter tous les organes, s'exprimer différemment d'un individu à l'autre. Et leur évolution est très imprévisible. Leur délai d'expression peut être de 10, 20 ou 30 ans. On ne va donc pas mourir tout de suite si on absorbe des SDHI. Mais on risque de développer la maladie de Parkinson 5, 10 ou 15 ans après. Affirmer qu'il n'y a pas de danger est insupportable. On prend un risque monstrueux. Le principe de précaution doit s'appliquer. On ne peut pas se permettre d'attendre la catastrophe comme l'ANSSE semble faire. Alors, c'est pareil, on pose la question à Rustin, à l'ANSSE. Vous en voulez beaucoup à l'ANSSE qui a ignoré vos premières alertes fin 2017, et se veut rassurante? Elle ment par omission. Par exemple, je ne peux pas croire que l'ANSSE n'ait pas su que dès 1976, les scientifiques ont décrit les SDHI comme étant hyper toxiques pour les mammifères. Quand on met une molécule toxique en circulation, on vérifie ce qui se passe chez l'homme. C'est la base. Une autre chose absolument scandaleuse, ces pesticides sont utilisés de la façon préventive. On traite des champs entiers à haute dose, sans savoir si c'est utile ou pas. Personne n'aurait l'idée de traiter son enfant tous les jours avec des antibiotiques. L'ANSSE couvre complètement ce type d'usage. C'est incroyable. Alors, la question qui est posée à Pierre Rustin, sommes-nous en présence d'un nouveau scandale type glyphosate? Absolument, répond-il. Mais ici, la situation est beaucoup plus claire et évidente. S'il y a une discussion autour du mécanisme d'action du glyphosate, ce n'est pas le cas pour les SDHI, pour lesquels il n'y a aucune ambiguïté. Si j'étais responsable d'une agence sanitaire et qu'on me livrait des informations que nous publions, j'interdirais le SDHI dans la journée. Chaque jour compte. Voilà, c'est un dossier accablant par rapport à l'organisme officiel qu'est l'ANSSE, qui doit nous protéger justement dans la qualité des alimentations et contre ces pesticides toxiques. Voilà, je tenais quand même à faire état de cet article de Libération et donc de cette interview de Rustin. De Rustin qui est chercheur au CNRS. Voilà, que dire de plus que finalement, on s'aperçoit que de toute façon, l'agro-business, les chimistes sont bien supérieurs à tout ce que, à tout ce que l'on peut imaginer, et on les laisse faire, bien entendu, au détriment de la santé des populations. Voilà, ben, je vous laisse méditer au cours de cette journée. Hein. Attention au SDHI, et puis je vous souhaite quand même une très bonne journée à l'écoute d'RGM. À très bientôt, à jeudi prochain, si tout va bien.